Elle continuait à confectionner les ouvrages les plus difficiles de la passementerie pour M. Rivet, seulement afin, disait-elle, de ne pas perdre son temps. Et cependant, sa vie était, comme on va le voir, excessivement occupée. Mais il est dans l'esprit des gens venus de la campagne de ne jamais abandonner le gagne-pain. Ils ressemblent aux Juifs en ceci. Tous les matins, la cousine Bette allait elle-même à la grande halle, au petit jour, avec la cuisinière. Dans le plan de la Bette, le livre de dépenses qui ruinait le baron Hulot devait enrichir sa chère Valérie et l'enrichissait effectivement. Quelle est la maîtresse de maison qui n'a pas, depuis 1838, éprouvé les funestes résultats des doctrines antisociales répandues dans les classes inférieures par des écrivains incendiaires? Dans tous les ménages, la plaie des domestiques est aujourd'hui la plus vive de toutes les plaies financières. À de très rares exceptions près, et qui mériteraient le prix Montyon, un cuisinier et une cuisinière sont des voleurs domestiques, des voleurs gagés, effrontés, de qui le gouvernement s'est complaisamment fait le receleur en développant ainsi la pente au vol, presque autorisée chez les cuisinières par l'antique plaisanterie sur l'anse du panier. Là où ces femmes cherchaient autrefois 40 sous pour leur mise à la loterie, elles prennent aujourd'hui 50 francs pour la caisse d'épargne. Et les froids puritains qui s'amusent à faire en France des expériences philanthropiques croient avoir moralisé le peuple.